بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية في اليمن. على plaisir de vous présenter. C'est quoi une choubha? C'est quoi la cause? لماذا il y a des gens ils ont des choubha? Si t'as une choubha, comment tu fais? C'est quoi le mawqif? C'est quoi le ta'amul? C'est quoi les causes qui vont enlever cette choubha? Wa hakada. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. Munir ibn Ahmad al-Maghribi, hafizahu Allah ta'ala. Alhamdulillah. الذي جعل في كل زمان فطرة من الرسل بقايا من أهل العلم يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على الأذى يحيون بكتاب الله الموتى ويبصرون بنور الله أهل العمى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين الذين عقدوا ألوية البدعة وأطلقوا عقال الفتنة فهم مختلفون في الكتاب مخالفون للكتاب مجمعون على مفارقة الكتاب يقولون على الله وفي الله وفي كتاب الله بغير علم يتكلمون بالمتشابه من الكلام ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم فنعوذ بالله من فتن المضلين أما بعد قبل أن ندخل ونبدأ في هذه الرسالة لابد من مقدمة في بيان حقيقة الشبه وخطورة الشبه والموقف الصحيح والتعامل مع الشبه وبيان الأسباب أسباب النجاة من الشبه وأسباب الوقوع في الشبه فلابد من هذه المقدمة قبل أن ندخل في الكتاب كتاب كشف الشبهات للإمام العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله فهذا لابد حتى تفهم ما معنى الشبهة C'est quoi une choubha? C'est quoi la cause? Limada, il y a des gens, ils ont des choubha. Si t'as une choubha, comment tu fais? C'est quoi le mawqif? C'est quoi le ta'amul? C'est quoi les causes qui vont enlever cette choubha? Wa hakada. Wa nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq. Fata'lamoun anna fitan al-quloub, fitnat al-quloub, ala qismayn. Fitnat al-shahawat. وفتنه الشبهات فلي مالادي دو كور elles se divisent en deux des maladies c'est des shahawat و القسم الثاني فتن الشبهات اي des doutes فتنه الشبهه elle est plus grave que فتنه الشهوه لان فتنه الشهوه il sait que c'est haram il sait que c'est المخالفه لكتاب الله il sait que c'est المخالفه لسنه النبي عليه الصلاه والسلام مثلا prend ceux qui sont éprouvés ونسأل الله عز وجل العفو والعافية par فتنة الشهوة الزنا il sait que c'est haram si c'est un muslim il sait que c'est haram لكن c'est une فتنة عليه et ça lui fait du mal à son دين أما فتنة الشبهة il croit que c'est le حق et ça lui fait du mal à son cœur et ça lui fait du mal à son دين فالشبهة لا شك أنها les plus graves que الشهوة et les deux c'est خطير على المسلم المسلم يسلوان دي دو وللإمام العلامة الشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله كلام جيد في هذا et ça va être ça le sujet de هذه المقدمة نقرأ هذا الكلام ونعلق على ما يسر الله عز وجل فقال الإمام الرباني ابن القيم رحمه الله في كتابه النافع الماتع مفتاح دار السعادة المجلد الأول قال رحمه الله الشبهة وارد الآن نحن الكلام يبيت كسر الشبهة أما فتنة الشهوات سانوت سجا لأن الكتاب مفاق سانيا ديريكت مابك هذا قال الشبهة وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق له سسان شبهة C'est une chose qui pénètre dans le cœur de la personne. Cette chose, elle va lui mettre un doute. Il ne sait plus si la mas'ala c'est haq un batil. Ça s'appelle une shubha. Ça vient de kalimat shabaha. Et le fait de ressembler. Et ils ont appelé shubha. Al-shubha, li'annaha, elle ressemble au haq. Ah, mais il y a des choses, ce n'est pas des shubha. Il y a des péchés, c'est wadih. Ce n'est pas une shubha. Al-qatl, c'est wadih. Al-khamr, c'est wadih. Al-zina, c'est wadih. Lakin, il y a des choses, c'est des shubha. La personne, il ne sait plus si c'est haq. Un batil. Et il a des doutes. Et hatta, comme on va voir, il y a des choses, hatta dans les choses wadih. بسبب الجهل والانحراف والركون الى الظلمه الركون الى اهل الباطل حتى dans des choses claires à l'origine c'est clair حتى dans ces choses il y a des choubah qui rentrent plus la personne elle s'écarte du ilm plus il peut ne plus comprendre cette masala ou il est au haq min hadi al umur حتى c'est واضح كشف الشبهات اي في التوحيد اللي qu'on va faire nous des choubahat fi التوحيد une masala li wadiha الأصل لواضحة عند الصحابة عند التابعين إلى آخره لكن بكثرة الجهل les gens ils sont éloignés du Coran ils sont éloignés du Sunna ils طلبوا plus العلم حتى dans des choses claires une شبهة pour rentrer نسأل الله عز وجل العافية وارد يرد على القلب يحول بينه وبين انكشاف الحق لا نعم cette شبهة ça devient un obstacle entre lui et le حق قال فمتى باشر القلب حقيقة العلم لم تؤثر تلك الشبهة فيه بل يقوى علمه ويقينه بردها ومعرفة بطلانها تستفيد من هذا الكلام أن الشبهة c'est par rapport au علم de la personne plus la personne c'est un jahil plus ça devient une proie au شبهة ما من شبهة et هو il sait plus comment faire تستفيد من هذا الكلام أن بالعلم واليقين لشبهات البخت وبالجهل والشكوك il sait plus comment répondre à la شبهة et ça devient une proie pour cette شبهة قال ومتى لم يباشر أي هذا القلب حقيقة العلم بالحق قلبه قدحت فيه الشك بأول وهلة أما القلب le cœur qui est loin du علم qui est loin des savants, qui est loin du Coran. Enfin, la moindre shubha, elle peut lui faire du mal directement. Directement, elle lui fait du mal. Il a des doutes, il ne sait plus comment faire. Et si c'est des doutes sur l'aqida ou sur le tawhid, ça peut être très grave. Ben, c'est très grave. Et on va voir, nous, dans le kitab, qu'on va faire kashf al-shubuhat, et sur le tawhid, vous allez voir les doutes que certains gens, ils ont. Ça les a écartés de dire le haq. Certains, ça les a fait sortir de l'islam. À cause d'une shubha, il croit que tu as droit d'adorer Fulan, Matalan. Anna, je fais que lui demander. Je sais que c'est pas lui qui crée, c'est pas lui qui donne, c'est pas lui. Lakin, je lui demande pour Kada. Il est tombé fait shirk billah azzawud. Les Anna, tu n'as pas le droit de demander à un mort. Nous, on parle, Mas'ala, ça va être beaucoup vu que shubha sur les morts. Enfin, à shubha, c'est très très grave. Et le seul remède que tu as, une shubha, tu la combats avec l'ilm. Faqat. Lihada. Tu trouves un al-ulama, il y a des shubah chez des personnes, des années, il ne sait plus comment faire. Il a des doutes. Il pose la question à un alim, une fatwa de 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, il lui enlève la shubah. Léna, pour le alim, ce n'est pas une shubah. Pour le alim, c'est wadih que c'est batil. Lakin, avec qillat al-ilm, ça devient une chose, yani la personne ne comprend pas. Qala, fa'in tadarakaha, wa illa. تتابعت على قلبه أمثالها حتى يصير شاكا مرتابا الشبهة si la personne ne ferme pas les portes et il apprend pas son din une شبهة elle va rentrer une deuxième une troisième et il a des doutes et il sait plus si c'est حق بعض الناس la théorie de Darwin خاصة à l'époque c'était une شبهة pour eux الله العافية tu descends du singe c'est une شبهة من قلة العلم من قلة العلم كم من آيات ومن أحاديث clair, il montre que l'homme c'est le fils d'Adam. Allah il a créé Adam et بعد هذا ذرية آدم sa descendance l'être humain معروف. Un najis munharif il vient il dit là c'est le singe il a akhiri le singe il ressemble à l'homme. Fa al-inaya bil-ilm. نحن ce qu'on استفد الآن de ce كلام أن العناية بالعلم. Et sache أيها المسلم que t'es pas à l'abri. T'es pas à l'abri des choubas. Khas, ça t'aime bien des zamans. Des choubas internet, des choubas dans les journaux, des choubas entre ton lab l'ilm, des choubas dans la rue, des choubas dans ta famille, partout. Léana l'ilm, il est qali. Et les choubas, elles prennent le dessus très vite. Amma fi zaman les salaf, ils n'avaient pas minhad. Abadan. Une choubah, elle sortait, t'avais Kathir ibn al-ulama. Et contre cette choubha, elle s'éteint très vite. Choubhat al-Qadariya, ils l'ont éteint. Choubhat al-Jahmiya, ils l'ont éteint. Choubhat al-Khawarij, ils l'ont éteint. Choubhat al-Rawafid, ils l'ont éteint. Choubhat al-Zanadiqa, ils l'ont éteint. Wahakal. C'est pour ça qu'on a lu, fi bidayat al-Kalima, Kalam al-Imam Ahmad, rahimahullah, fi muqaddimat kitabihi al-Radd al-Jahmiya. Il a cité hadha al-Kalam. Et dans le Kalam qu'on a lu, qala, فكم من قتل لإبليس قد أحيوه أي العلماء الآن يبعض أهل العلم وكم من ضال تائه قد هدوا بإذن الله عز وجل فالعلماء سنور قال فما أحسن أثرهم على الناس وأقبح أثر الناس عليهم قال ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين إن شبهة إذا سيدوا دفعهم من فرسة أو لا كمبرينسون من فرسة أو حديث ضعيف أو موضوع pour faire du mal au الدين العالم et contre Hadith Shubha. Lakin, vu que ce zaman nous connaît, les ulama ils sont beaucoup moins qu'avant. Et l'ilm il est beaucoup moins qu'avant. Yarahmakullah, wala shak. Fa, les Shubha, elles ont beaucoup plus de facilité à se propager bayna nas. Fa, anta ayyuhal muslim, tu vis dans cette époque. Les ulama ils sont qalil. Al-jahli les kathir. Al-dullal ils sont kathir. Fa, entabih les dinik. Fais attention à ton din. Et ton din hada, tu ne peux pas le préserver qu'avec l'ilm. إلا بالعلم لأن إن شبهة elle peut rentrer dans ton cœur elle te fait ton din elle te fait ton din فالإنسان يطلب العلم ويكثر من الدعاء والاستعانة بالله عز وجل والموفق من وفقه الله قال والقلب يتوارده جيشان من الباطل الآن إذا يشبكي أن القلب يدر نماج avec une armée جيشان أي deux armées كتك ton cœur هذا La première armée, c'est l'armée des shahawat. Des désirs de hadith dunya, que ce soit un nisa ou autre. Qu'a-t-il mis le shahawat ? Manger le haram, l'argent, il est akhiré. Tout ça, c'est des shahawat. Ça, c'est la deuxième armée qui attaque le cœur de la personne. Jaysh al-shubah. Et hadith, elle est beaucoup plus grave que la première. La première, la personne, il peut savoir que c'est haram. Amma une shubha, la personne ne sait plus si c'est haq ou batil. Comment il va faire la tawba? Il ne sait même plus où le haq. Ça lui fait du mal à son din. Qala, fa ayyuma qalbin saga ilayha wa rakana ilayha tasharrabaha wa amtala'a biha fa yanzah lisanuhu wa jawarihuhu bimujibiha. Qala, fa in ushriba shubuhat al-batil tafajjarat ala lisanihi shukuk wa shubuhat. والإرادات ابن القيم يتمطر أن si la personne il combat pas ses choubah avec l'ilm ses choubah elles vont lui mettre des doutes et tu vas ressentir ça dans ses paroles et dans ses œuvres. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث النعمان المعروف عند الجميع وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله فسي القلب إن شبهة الغنط dans ce cœur et ce cœur il devient mauvais tu vas trouver les fruits dans ses œuvres ses paroles et ses عمل لأن la شبهة elle est dans le cœur et elle va lui faire du mal dans ses actes كذلك حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الفتن Et parmi les fidèles, al-shubha. Anna al-fidan tu'radu ala al-qulub ka'ard al-oud ala al-hasir. Il donne une image, le prophète A.S. Anna al-fidan, les shubha, elles rentrent dans ce cœur comme il donne l'exemple de al-hasir avec l'oud. Al-hasir, c'est les tapis en paille. Et ils font rentrer hakada. Et ça fait un tapis. Enfin, le prophète A.S. il a informé, on a ton cœur hakada avec les fidèles, si tu ne fais pas attention. Une, elle rentre, deux, elle rentre, trois, elle rentre. Hatta le qalb, il devient aswad. Hakada qal Nabi sallam, aswad. Il y en a une choubha là, une choubha là, une tache noire là, une tache noire là. Le qalb, il devient noir. Le résultat, c'est quoi? Annahu la ya'rif ma'roufan, wa la yunkir munkara. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أن المعروف يغكوني بلو المنكر يغكوني بلو الله العافية. النبي صلى الله عليه وسلم يفهم أن القلب إلى أبيض القلب كي باتوش بعض الشبه إلى بلو مثل الصفا لا تضره فتنة ما دام السماوات والأرض. قلبك على علم، قلبك على توحيد، قلبك كي أكسبت النصائح، القلب لكير كي غوفي وصفو لكير كي سانسير يفو الحق، هذا إلى بلو مثل الصفا صالي في أكا مال لفتن شتاكي مير صالي في أكا مال. انظر الصحابة يصوموا على خير لأن الصدق إخلاص يفو الحق يفو من أبوخت شبه يغوفني دائما القرآن هو بخفت عليه الصلاة والسلام. فالحديث المذكور حديث حذيفة إلى معروف صحيح. قال بعد هذا ابن القيم قال فيظن الجاهل أن ذلك لسعة علمه وإنما ذلك من عدم علمه ويقينه. ابن القيم رحمه الله يتمط أن لا بيرسون كاد يدوت tu vas le trouver va parler beaucoup sans علم. الجاهل va croire que ça c'est du علم. ابن القيم يدي هذا سموت que c'est un جاهل il a pas de علم. تستفد من هذا أن le fait de beaucoup parler et d'avoir beaucoup de questions et peut-être on sait jamais من هذه الأمور c'est pas du علم. هذا العلم c'est قال الله قال الرسول كما قال ابن القيم c'est ça العلم. أما les hypothèses les théories peut-être ça c'est pas du علم. هذا ça ça montre الضعف. il aurait du علم يغير القرآن والسنة. قال وإنما ذلك عدم علمه ويقين il a des doutes. Celui qui n'a pas de doute, vous trouverez, il ne parle pas beaucoup. Haq, haq, il œuvre, il n'a pas le temps. Celui qui a des doutes, min al-alamat, tu le trouveras, il parle beaucoup. Il essaye de se réconforter, il essaye de trouver le haq. Il ne veut pas dire qu'il ne sait pas le haq, il parle beaucoup. La'allahu, il a une fa'ida, il connaît le haq. Et ça, c'est min al-dah. Si tu ne sais pas, demande. Celui qui veut corriger une chose qui ne va pas, un défaut, il a akhiré, la solution, c'est la question. Pose la question. Tu poses la question à un alim, un sunni. Il donnera la réponse et pas besoin de beaucoup parler. Beaucoup parler, il n'y a pas de faïda. Celui qui parle beaucoup, tu trouveras, il fera plus d'erreurs que celui qui ne parle pas beaucoup. Qala wa qala li Cheikh al-Islam radiyallahu anhu ay Ibn al-Qayyim rahimahullah, il parle de son Cheikh Cheikh al-Islam Abu al-Abbas Ibn Taymiyyah rahimahullah wa qala li Cheikh al-Islam ay Ibn Taymiyyah radiyallahu anhu wa qad ja'altu uridu alayhi iradan ba'da irad. Une fois Ibn al-Qayyim, il parlait à Cheikh al-Islam et il lui citait beaucoup de choses. قال لا تجعل قلبك للإرادات. Il a dit, laisse pas ton cœur هكذا للإرادات. لأن si tu te poses trop de questions, ممكن des choses, tu n'auras pas de réponse. قال Cheikh al-Islam والشبهات مثل السفنجة فيتشربها فلا ينضح إلا بها. Si tu ne fais pas attention et tu laisses ton cœur comme une éponge, il va tout absorber les choubas. Tout, n'importe quel galam il prend. Bardana, c'est son hakada. Il va sur internet, il ne sait pas c'est qui. Une choubah al rentre. Il parle avec un frère, il lui dit peut-être que kada. Choubah al rentre. Il écoute une cassette, il ne sait pas c'est qui. C'est un mot peut-être un vol. Ouais, il ne sait pas. Les choubah al rentre. À la fin de la journée, son éponge, elle est toute sale. Bis choubahat. Qui c'est qui va lui nettoyer l'un? Comment tu veux? Amma anta, ton cœur, ce n'est pas une éponge. Un filtre. Je crois pas tout ce qu'on dit. Ah madame, la personne qui parle avec un dalil, la personne qui parle, il faut que je prenne min ulama ahl sunnah. Bardanès, il ouvre ses oreilles à tout le monde. Sur internet, il écoute 10 doros. À la fin, il dit mashallah, des fawaïd et tout. Tu lui poses une question, c'est qui? Il peut plus te répondre. Ismi al fawaïd, tu sais pas c'est qui? Hada, intabih. Ismi al an, la solution de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah. Qala, walakin id'alhu kazzujaja. Al-Musammata. Il a dit Ibn al-Qayyim, ton cœur, il ne faut pas que ce soit une éponge, on l'a expliqué. Il a dit, had le cœur, tu le mets comme zujaj, comme du verre. Antal-An, est-ce que le verre, il absorbe quelque chose? Il n'absorbe rien. Le verre, ou alors de la saleté, elle vient, ou de l'eau, ou hagada, il n'absorbe pas. Amma l'éponge, elle garde tout. Enfin, Antal, ton cœur, ayyuhal muslim, quel zujaj? Avec des filtres. Est-ce que zujaj, tu la nettoies, kadalik bin ilm. Hatta, elle te fait avec dunya ou l'akhira. قال ولكن اجعله كالزجاجة المصمتة تمر الشبهات بظاهرها. نعم الشبهات لا الشبهات الباسي الجليس rien qui rentre dans le cœur rien. Ça t'estafed أن tu peux entendre la شبهة لكن elle te fait pas de mal. لأن أنت tu peux entendre une شبهة. T'es assis مثلا, t'es dans la rue, t'es dans un masjid, une شبهة. Si ton cœur il est هكذا, tu fais attention. أولا tu demandes le دليل قبل هذا, qui c'est qui parle, est-ce qu'il est à la علم أم لا. Deuxièmement le دليل Troisièmement, est-ce que l'istidlal il est bon? Ça ne suffit pas le dalil. Qala Allah, il t'emmène un verset qui n'a rien à voir avec le sujet. Un dalil avec l'istidlal. L'istidlal, c'est qu'il cite le dalil et il est à sa place. Avec tout ça, tu peux savoir si c'est haq ou batil. Amma wahid istab, il parle ni dalil, ni rien, tu ne sais pas c'est qui. Il emmène des paroles, aucune source. Et ton éponge, elle absorbe tout. Le résultat, c'est l'égarement. Sallallahu alayhi wa sallam. Qala, wa la tastaqir fiha. فيراها بصفائه ويدفعها بصلابته نعم قال وإلا فإذا أشربت أو فإذا أشربت قلبك كل شبهة تمر عليها صار مقرا للشبهات أو كما قال إلى دم نقيم si tu fais pas attention et tu laisses ton cœur comme une éponge t'absorbes toutes les شبهات tout ce qui se dit sans filtre sans filtrer les paroles sans demander les sources sans rien ton cœur ça va être un nid à الشبهات et قال عيسى السلام إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله لأن مالك الأعضاء أي تيمبر الملك الروى سي الكور سي لي بون تو با سويف سي لي موفي تو با سويف قال ابن القيم فما أعلم أني انتفعت بوصية في دفع الشبهات كانتفاعي بذلك انظر الأئمة بوركوا سي دوني دي إمام lui aussi il a eu des problèmes, c'est un être humain, lui aussi il a des choses qu'il n'a pas compris, lui aussi il a fait des erreurs, lakin dès qu'il est conseillé il revient mubashara al-haq. Il a dit j'ai pas stuffed d'une nasiha, un conseil qui m'a été bénéfique comme le conseil de Cheikh l'Islam sur le shubah. Hamdur al-alim, le bien qu'il peut faire à un élève. Al-ibra c'est pas bil-katara, bil-katara al-kalam, c'est pas parler beaucoup, là parler peu et haq et kadhalik le fait d'appliquer. Fallabud, on demande des nasiha aux savants. On écoute les savants, si c'est à la haq, si le kalam il est même lié à la dalil, et on applique. On continue kalam nous qu'il qu'il wa innama summiyat al-shubha shubhatan l'ishtibah al-haq bil-batil fiha. Elle ressemble au haq. قال فإنها تلبس التوب الحق على جسم الباطل. نعم. Al-shubha c'est un vêtement batil. Il a donné l'exemple, c'est comme un vêtement. Et c'est batil. Et elle est, on répète, قال فإنها تلبس التوب الحق على جسم الباطل. نعم, l'apparence c'est du haq. Lakin elle est sur du batil. Si tu viens à chercher un peu, à gratter un peu, creuser un peu, tu vas trouver que c'est du batil. Lakin apparemment c'est haq. قال واكثر الناس اصحاب حسن ظاهر فينظر الناظر فيما البسته من اللباس فيعتقد صحتها. اكثر الناس sont هكذا. اكثر الناس se font avoir par l'apparence. العبره c'est بالدليل. العبره c'est بالحق. الكتاب والسنة. أما بعض الناس يتفاوض بهذا. وأما صاحب العلم واليقين فإنه لا يغتر بذلك بل يجاوز نظره إلى باطنها وما تحت لباسها فينكشف له حقيقتها. نعم, لأنه هو يباز للبيرسون افيك الأدلة. هكذا السن سي با لا بيرسون كيف الحق, لا أبدا. لو حق اللي جاء افون كسيت بيرسون السوالا, لكن لا بيرسون الي سور لو دووا شومان سي ال برونس حق. كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر أي النبي عليه الصلاة والسلام. كل من peut s'égarer, tout le monde peut être guidé. الميزان c'est le حق. C'est pas une personne à l'égarer, خلاص إلى العصمة jusqu'à il meurt. C'est pas une personne à l'égarer, خلاص il va être égaré jusqu'à il meurt. لا, si il revient à ce حق c'est un صاحب حق, si il délaisse ce حق c'est un صاحب باطل. C'est ça le ميزان. قال ومثال هذا الدرهم الزائف فإنه يغتر به الجاهل. الآن إذن مثال avec l'argent. Sahih. Celui qui n'a pas de khibra, il peut se faire avoir avec les fausses monnaies. À l'époque, c'était des pièces en or, des pièces en argent. Quand Ibn al-Nas n'avait pas de khibra, il voyait la pièce. Il y avait une fine couche d'or, maintenant. Fin haqiqa, tu viens à gratter, il n'y a rien du tout. Amma, celui qui a de la khibra, il ne se fait pas avoir. La pièce, il a de la khibra. Et il a du ilm fi hada, il sait si c'est une vraie ou une fausse. هذا المثال كده شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله قال وكم قد قتل هذا الاعتذار من الخلق لا يحصيهم إلا الله. كم من الناس يسمع بقوة على الشبه, كم يستقعد في son دين il a des doutes, il sait plus où le حق, il délaisse, il est fatigué, il sait plus comment faire. كم من الناس. أيها المسلم, t'es pas à l'abri. الحي لا تؤمن عليه الفتنة, هكذا قال ابن مسعود. T'es pas à l'abri. T'es dans cette dunya, t'es pas à l'abri. Fais attention, préserve le cœur avec l'ilm, avec l'ikhlas, avec le sidq. Si tu sais pas quelque chose, demande. T'as besoin d'une nasiha, demande. Et ad-du'a. Ra's al-amr, c'est du'a. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Fal insan da'iman il demande à Allah azza wa jall an yuthabbit qalbah. Le prophète sallam دائما إفزاء الدعاء المشهور يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي على طاعتك صلى الله عليه وسلم يدمد الثبات أيك الله عز وجل اللي قيد اللي لسه شغله بمشمع صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال وإذا تأمل العاقل الفطن هذا القدر وتدبره رأى أكثر الناس يقبل المذهب والمقالة بلفظ ويردها بعينها بلفظ آخر. بعضهم إن كلمة إشانج دوبينيون مباشرة إن كلمة لأنه يبقى على ثبات إن شبهة أن فيها ألو فتو باسكولي إلي كذا إلى نافي فيك ستافي لبقى باتو سوء علم دماء نوتر إلي يومين كلام بلو لون أو كلام بلو فاست أو كلام إلي أفصح un troisième il vient il va aller vers le troisième وهكذا. alors que طريق الحق واحد وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل هكذا يقول الله عز وجل أن الصراط لواحد صراط المستقيم الله سبحانه وتعالى دي suis ce chemin أي الشمان du Coran et de la Sunna ولا تتبعوا السبل et suis pas les chemins des vies à droite à gauche لا الحق لواحد فكيف هذا un jour il est là un jour il est là un jour il est là فكيف هذا لا شك إما aujourd'hui t'es à la باطل أو hier t'es à la باطل أو demain tu seras à la باطل لأن tu changes الحق لواحد tu le prends تتوكل على الله. قال وقد رأيت أنا أي ابن القيم من هذا في كتب الناس ما شاء الله un jour il a un avis demain il a un autre avis un jour il a une opinion demain il a une autre opinion une chose elle vient il délaisse tout وهكذا. Et ça ne veut pas dire que celui qui a une erreur il ne revient pas là. Tu peux avoir un avis aujourd'hui et demain, tu sais que tu t'es trompé. Ça arrive. Mais Ibn Qayyim il parle des gens, c'est d'aïman hakada. Avant de prendre un call, regarde s'il est haq. Tu changes hakada chaque jour un avis. Hada, c'est pas min sunnat al-Nabi alayhi sallam. Et c'est pas min manhaj salafina salih. Al-khulasa, min hada al-kalam. Wa al-nasiha, anna al-muslim. والطالب العلم خاصة يفي attention aux choses يطلب العلم لأن la seule chose comme on a vu qui va t'épargner de ces choses de ces doutes c'est que tu sois à la علم لأن si tu es à la علم une chose elle vient pour toi c'est même pas une chose c'est واضح tu dis là c'est كذب et tu continues أما si tu es pas à la علم tu seras une proie de cette chose. قال الإمام عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد رحمه الله فالذي أوصيكم به اصدقوا مع الله وتعلموا من العلم ما ينجيكم من شبهات أهل الشك والريب فبالعلم واليقين تدفع الشبهات ولله الحمد على بقاء طائفة الحق تدعو من ضل إلى الهدى وتصبر منهم على الأذى والسلام انتهى. Comment tu te protèges des شبهات؟ La première chose اصدقوا مع الله الصدق c'est sincère tu veux le حق التقوى ça Allah عز وجل va t'épargner كثير من الشبه لأن t'es sincère ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا celui qui craint Allah il le facilite. كذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان إن تتقوا الله si tu crains Allah le résultat Allah يجعل لك فرقانا il donne un فرقان أي un discernement tu discernes انت une chouba qui vient, tu as la taqwa, tu sais si c'est haq un batil. Ça te montre une des causes qui fait tomber fils chouba, c'est les ma'asi et les mukhalafat et contredire le Coran ou le sunnah et pas accepter le haq. Tout ça, c'est une des causes la personne qui tombe fils chouba. La deuxième chose qu'il a cité, rahimahullah, wa ta'allamu min al-ilm yunajjikum min al-shubuhat. Le deuxième sabab qui va t'épargner des chouba, c'est l'ilm. Et l'ilm, c'est qu'à Allah, qu'à le Rasoul. Et إجماع الصحابة ou إجماع العلماء. C'est ça l'ilm. L'ilm, c'est pas. Ils sont pleins à avoir dit ce qu'on dit. L'ilm, c'est pas. Fulan, فقط. Tout ce qu'il dit, c'est الحق. Dès qu'on dit Fulan, aïe, غير الرسول عليه الصلاة والسلام. C'est pas ça l'ilm. L'ilm, c'est قال الله قال الرسول. Un délit من القرآن ou من السنة. Avec la compréhension des علماء. السلف الصالح et ceux qui les ont suivis, إلى يومنا هذا. C'est ça l'ilm. Prends pas un verset ou un hadith tout seul et t'as pas compris l'explication des ulama avant toi. Là, tu peux t'égarer. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa. Le prophète sallam a dit khayrun nas qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum. Hadith Imran fi sahihayn. T'es obligé de comprendre le din comme ils l'ont compris eux et tu طلب العلم comme ils ont طلب العلم eux. بعض الناس يصون هكذا يتعمل مسألة تلو فسي قوى الدليل يدي قال الله يتسي تنفسي هكذا يا أخي كي سيك a compris cette مسألة كم توا تلو a compris il peut pas te citer il sait pas ممكن إلى خالف إجمع personne استدل avec cette آية فأخي prends العلم من أهله prends العلم من أهله أما تدفن طريب تسل et je veux comprendre tout seul فهذه نسأل الله العافية القرآنيون avec cette طريقة ils ont rejeté السنة. Ils sont fait une tariqa, ils ont dit nous on va prendre que du Coran. On donne le shaitan comme il a embelli la chose. Le Coran c'est kalamullah. Ils se sont dit nous on va prendre que le Coran. Comme ça on est sûr, sunnah il y a du sahih, du da'if, on ne sait pas trop. On prend que le Coran, on rejette la sunnah. Ils sont tombés dans le kufr. Kadhalik al-du'a. Nous on rajoute al-du'a. Allah Azza wa Jal, si tu l'invoques, et tu es sincère. Allah Azza wa Jal il te répond. Tu as une shubha, tu as un doute, demande à Allah Azza wa Jal qui t'enlève cette shubha et qui te fait comprendre cette mas'ala. Et tu fais les asbab, tu te l'as bien, il est akhiré. Al-khulasa, anna celui qui hafad dinillah, Allah il l'hafad. Comme le hadith ibn Abbas, qu'a l'Aïssa wa sallam, ihfad illa yahfadka. Ihfad le din d'Allah Azza wa Jal. Sois sincère dans le din d'Allah Azza wa Jal. Sois véridique. Si le haqq il vient, prends-le. T'as besoin de nasihat, demande. كذلك تبوز لك سؤال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون كذلك سأسين كوز أنا كاتشد من أهل العلم أهل السنة سلك على الطريقة إن شاء الله يسقى في على خير ولو أجوغ لين باس لين شوت لا كذا يسعى على خير لأن الناس une personne il veut l'akhirah c'est une personne il est sincère une personne il est véridique فالله عز وجل اللي وفق فالحذر حذر من الشبهات الحذر من الفتن السعيد C'est celui qui s'éloigne de tout ça. قال يتوزن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن فالإنسان il s'écarte de الفتن il s'écarte de الشبه t'as un doute une chose écarte-toi أخي إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه tu veux préserver ton titre écarte-toi des شبه t'as un doute écarte-toi et fais le واضح et si t'arrives à faire le واضح comme il faut Ihmadillah. Fais les 5 salats à l'heure. Fais le hajj si tu peux. Sors la zakat si tu as de l'argent. As-siyam. Atlob l'ilm. Lis le Coran. Tu verras que tu n'auras pas de temps. Ça, c'est des choses wadih. Il n'y a aucun khilaf. Tu n'auras pas de temps. Amma, tu perds ton temps. Et pourquoi Foulan l'a dit? Mais moi, je pense, à mon avis, kada. C'est pas tariqat l'ilm. Ça, c'est tariqat l'juhal. Et tu vas te faire du mal à toi. Et tu feras du mal aux autres. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuwaffiqana. Subhanak Allahum bihamdik. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.